donc un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG pour l'émission Johnny de A à Z, RIG 90.7 si vous l'écoutez sur la région bordelaise et aussi sur RIGFM.fr pour l'écouter via le net. Et puis aussi, vous avez des tas d'autres sites radio où vous pouvez écouter cette émission Johnny de A à Z. Et également le podcast qu'on retrouve pratiquement tous les jeudis ou vendredis. Oui, il y a un retard par rapport à celui de la semaine dernière, tout à fait. Il y a un petit problème technique qui fait que je suis retardé pour pouvoir faire le podcast de la semaine dernière avec Jean-François Chenu pour l'édition du livre Tout Johnny. Bref, ça va venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, la 503e émission. Et pour aujourd'hui, je vous propose de découvrir, cette émission a été... Pensez suite à un livre, le livre Johnny Hallyday Private Access à ses côtés en coulisses, un livre qu'a écrit à trois mains, quatre mains, avec Roger Abriol, Jacques Rouvérolis, Bernard Schmitt, on va dire les trois mousquetaires, et qui ont été aidés aussi également par Jean-François Brieux pour les textes. Et nous allons plonger dans les coulisses des concerts de Johnny Hallyday avec donc ses plus fidèles compagnons de route, je répète, Roger Abriol, Jacques Rouvérolis et Bernard Schmitt. Et il est convenu de parler de bête de scène lorsqu'on évoque la figure de Johnny Hallyday. Pour s'en convaincre, il suffit de passer en revue des chiffres propres à donner le vertige. Au cours de ses 57 ans de carrière, Johnny est monté sur scène lors de 187 tournées en France et à l'étranger dans 40 pays. Plus encore qu'un chanteur, rocker, interprète, Johnny était un authentique showman, et un show de Johnny Hallyday, ce sont des centaines de milliers de personnes qui viennent assister à un événement tel qu'elles n'en ont jamais vu. Ce sont tous les publics qui se pressent et se confondent pour approcher une légende. On y retrouve Inconditionnel, prêt à tout pour suivre l'idole de ville en ville, si l'on croise aussi une partie de l'intelligentsia avec ce leitmotiv invariable. À l'idée, je ne suis pas fan, mais sur scène, c'est quelque chose. Et ce quelque chose qui leur échappe, les intellos semblent renoncer à le comprendre et se laissent emporter. De même, oubliant les querelles partisanes et leur étiquette, les hommes politiques sont là. Un show de Johnny Hallyday, ce sont des dizaines de corps de métier qui se surpassent, noblesse oblige, pour accoucher du spectacle qui sera pour tout le monde celui de Johnny et de lui seul. Tous doivent aller dans la même direction pour permettre à l'idole de se réinventer à chaque fois. Parmi ces centaines de personnes qui gravitent autour de lui, seule la cellule fréquente vraiment Johnny, presque quotidiennement. Pendant des années, cette cellule n'a presque pas changé, s'articulant entre Roger Abriol, responsable du son puis directeur de production, Bernard Schmitt à la mise en scène et Jacques Rouvérolis à la lumière. À eux trois, ils comptabilisent 110 ans de présence assidue et enthousiaste auprès du chanteur. Nous avons été les yeux, les oreilles et le cœur du public avant que celui-ci entre dans les salles, pénètre dans les stades. Responsabilité un peu écrasante mais jouissive, Johnny était Johnny, nous ne pouvions décevoir personne. On les a surnommés les trois mousquetaires de Johnny, figure clé des spectacles à l'idée. Ce sont les hommes de l'ombre, les faiseurs de rêves planqués en coulisses ou à l'arrière des pupitres du son et de la lumière. Au sein de la cellule de création, ils ont formé autour de Johnny un cercle dans lequel ils pouvaient se sentir en confiance, hésiter ou changer d'avis, à l'abri des regards qui pèsent si souvent sur les stars. Des tournées périlleuses des 70s jusqu'aux shows monumentaux des années 2000 et aux dernières représentations du grand, les trois mousquetaires nous proposent ici de les suivre à côté backstage, là où personne ne peut entrer sans présenter leur pass all access. Ici, les hommes de l'ombre proposent, pour rendre hommage à Johnny une dernière fois, de donner un accès VIP à la fabrique du rêve. Bienvenue dans les coulisses des concerts qui ont forgé sa légende. Je répète, ce livre s'appelle Johnny Hallyday Private Access, à ses côtés en coulisses, et c'est aux éditions Segers, que vous pouvez trouver partout, et puis même, vous pouvez aussi, peut-être vous allez le retrouver au pied du sapin pour Noël. Un livre donc que je vous conseille, les coulisses à travers les mots, le regard des trois géants du spectacle, Bernard Schmitt, Jacques Gourvérolis et Roger Abriol, des familiers pour certains, des très familiers, d'anecdotes en éclats de rire, des pages pleines de tendresse, de respect et de professionnalisme. Au cours de cette émission, nous allons retrouver plusieurs interviews des trois mousquetaires, notamment des extraits bonus du DVD qui compose le coffret Bercy, et puis aussi nous allons retrouver les trois mousquetaires en concert en 2012, et puis aussi également sur un plateau de télévision également, et puis aussi quelques rushs à gauche et à droite. On va écouter tout de suite Johnny Hallyday à Bercy, vu que Bercy, le coffret Bercy est sorti le 2 décembre. On va continuer cette émission en faisant un Bercy numéro 2, mais en écoutant les trois mousquetaires. Voici tout de suite Bercy 87 avec Que je t'aime. Bonne soirée et bonne écoute à tous. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au sang de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps les montagnes et les forêts. Quand ta bouche fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, d'un seul tout n'est plus pur, quand tes mains voleraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pite dit non, et tout te petite voix. Que je t'aime. Que je t'aime. Quand tu ne te sens plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi. Que je t'aime. Quand mon cœur sur ton cœur, lourd comme un cheval mort, ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui l'a fait. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Johnny et Bercy. En 1987, on va retrouver donc plusieurs titres de Bercy. Bercy 87, Bercy 90, Bercy 92, Bercy 95 et Bercy 2003. Agrémenté de quelques parution, hein, on va dire, des Trois Mousquetaires. Voilà. On va commencer par la première intervention des Trois Mousquetaires. C'était lors d'une interview du journal Le Républicain Lorrain à Nancy le 25 mai 2012. Et on leur demande quelle était la première, de nous raconter la première rencontre avec Johnny Hallyday. On va retrouver donc Bernard Schmitt, Jacques Rouvérolis et Roger Abriol. Moi, c'est en 85, j'ai commencé par les clips, en fait. J'étais un gros clipman à l'époque, donc j'ai fait 20 clips pour lui. Donc on a commencé avec les clips, puis moi je travaillais aussi pour Berger. Et en 87, Berger a mis en scène le spectacle et il m'a demandé d'être son conseiller artistique, qui consistait plutôt à être traducteur. Et puis quand Berger est mort, Johnny m'a dit, bah écoute, le prochain on pourra le faire ensemble, mais je te préviens, j'ai jamais fait deux spectacles avec le même, quoi. Donc c'est mon 11e et voilà, tout va bien. Alors j'ai fait un remplacement, moi, quand je travaillais avec Paul Naref, et quand Paul Naref a été obligé de s'exiler aux États-Unis, donc j'ai travaillé avec Dassin, avec d'autres artistes, et un jour la personne qui était en charge de l'éclairage de Johnny m'a dit, bon, pour des problèmes de santé, je peux plus partir, est-ce que tu voudrais bien me remplacer, voir. Donc je suis rentré, c'était en 73-74. La première rencontre, mon premier concert, alors on en a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et c'était au Forêt Nationale à Bruxelles, et donc c'était en novembre 74, vous voyez, et là j'étais ingé son. Comme toutes les premières, c'est un côté un peu émouvant. En plus, je sortais j'étais avec Michel Polnareff, d'ailleurs avec Jacques, et donc on était dans quelque chose d'extrêmement, je dirais, beaucoup plus calme sur un plan artistique, et d'un seul coup, on est arrivé dans une tornade, et c'est vrai que ma première expérience au Forêt National était presque cauchemardesque, parce que les éléments autres que liés au spectacle ce soir-là étaient contre nous, en particulier la console est arrivée au dernier moment, enfin c'était un cauchemar. Mon premier concert était un cauchemar avec lui, et ça s'est vite estompé, et puis et vraiment très vite d'ailleurs, et puis j'ai vraiment pris un grand plaisir à être derrière une console avec lui pendant ces longues années qui ont suivi, quoi. Des fois je le regrette encore un peu d'ailleurs, j'aurais presque envie de... Il serait presque envie de les refaire. On retrouve toutes ces anecdotes dans ce livre-là. Johnny Hallyday, Private Access. À ses côtés, en coulisses. On poursuit à la découverte, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, du Bercy, du coffret Bercy, avec des extraits de ce Bercy 87, avec Le Feu. We'll be right back. écrit dans tes yeux. Quand tu parles de ta vie, est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, dans mes besoins aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux. Rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton corps qui bouge et ton cœur qui fait tout. Tes mains, quand elles suivent ma voix, c'est écrit sur ta bouche quand je vois ton sourire. Comme tu peux partir loin, oh, quand la musique est là.

À Bercy en 1987 et cette version alternative de ce Bercy avec le titre Aimer Vivre. À présent, nous allons retrouver Xavier Perrault, chef de projet du catalogue Universal France, celui aussi qui a été le chef de projet de ce coffret Bercy et de ses versions alternatives. Et cette fois-ci, il va nous parler des Trois Mousquetaires. Cette interview a été donnée le 17 octobre 2022 pour les besoins de l'émission spéciale Coffret Bercy dans l'émission Johnny de la Z. Oui, que je vous ai présenté, bien sûr, qu'on nous a présenté il y a un peu plus d'un mois. On le retrouve tout de suite. Xavier Perrault qui va nous parler de ceux qui ont œuvré pour que chaque spectacle de Johnny Hallyday soit une réelle réussite. Le Bercy 87 ne ressemble pas du tout au Bercy 92, que le Bercy 90 ne ressemble pas du tout au Bercy 95. Ça tient à des intentions aussi de la part de Johnny, bien sûr, et de la production de l'époque. C'est-à-dire, pour moi, à cette époque-là, c'est l'émergence en fait d'une équipe autour de Jean-Claude Camus qui va être très importante. Une partie de l'équipe est déjà là. Je parle de Roger Abriol et Jacques Rouvérolis, qui sont déjà des chevilles ouvrières de la carrière scénique de Johnny depuis des années. Mais là vient se rajouter un troisième pilier, j'ai envie de dire, qui est Bernard Schmitt, qui est le metteur en scène, qui est celui qui fait la setlist aussi pour les concerts. Ce triumvirat va réellement s'installer, je dirais, à partir de Bercy 90 et surtout à partir de Bercy 92, oui. Bercy 87, c'est Michel Berger, comme on le sait, qui dirige, qui est à la manœuvre. Bernard Schmitt, qui déjà réalisait les clips de Johnny, rentre dans l'équipe de production un petit peu pour faire le go-between entre Johnny et Michel Berger. Voilà. Michel Berger est quelqu'un qui aime avoir pas mal de recul, qui est donc quelqu'un qui va, par exemple, qui va pas monter sur scène pour discuter avec Johnny, qui va rester un petit peu comme ça en arrière. Alors que Bernard Schmitt, lui, est au contraire quelqu'un qui aime bien être sur scène, qui aime bien être en présence des musiciens de Johnny. Donc, il y a son premier rôle au départ, ça va être un rôle de go-between. Il fait passer des infos de Michel à Johnny et de Johnny à Michel. Et ensuite, à partir de 90, il y a une première volonté de la part de Jean-Claude Camus de travailler. Bernard Schmitt n'a pas exactement ce rôle-là. Et en fait, au fur et à mesure du travail qui est fait sur Bercy 90, Jean-Claude Camus va demander à Bernard Schmitt de prendre cette place véritablement de metteur en scène et de sur la setlist. Et c'est pas pour rien. Je pense que les chansons qu'on propose dans le tour de chant que propose Johnny dans le Bercy 90, comme celui de 92 et comme celui de 95 aussi, on voit qu'il y a une patte Bernard Schmitt qui va chercher des titres que Johnny n'a plus fait sur scène depuis longtemps. Ils en discutent avec Johnny. Il connaît le répertoire de Johnny. Donc, il sait qu'il peut essayer éventuellement de proposer à Johnny des chansons qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Ce qui va nous permettre de revoir sur scène des chansons qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. Je suis dans la rue, par exemple. Je suis dans la... Exactement. Et pour moi, tu es la seule. Je veux te graver dans ma vie. Il y en a beaucoup. Il y a eu la création de Diego. Il y a eu Je suis pas un héros, qui a été une surprise. Voilà. Quand on l'a entendu pour la première fois. Enfin, ça, merci, etc. Et donc, la formation des musiciens, d'une part, ceux qui accompagnent Johnny, le choix de la setlist, le choix des chansons qui vont forcément donner aussi une orientation musicale et artistique au tour de chant, font que chacun de ces lives a sa couleur, à son esthétique musicale un petit peu, j'ai envie de dire. Voilà. Et là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que ce triumvirat, Rouvérolis, Abriol, Schmitt, va fonctionner aussi très bien à partir de 92, où là, en plus, il y a un décor qui fait son apparition sur scène, qui vient en plus, qui sera le premier décor véritablement avant celui du Parc des Princes l'année suivante. Et ce Bercy 92 est pour moi un super live que on a peut-être eu tendance un petit peu à sous-estimer, comme le dit si bien Jean-François, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il arrive avant le Parc des Princes 93, il passe un petit peu sous le tapis, j'ai envie de dire. Alors que franchement, quand on écoute, les versions de Hey Joe notamment sont absolument dithyrambiques. Enfin voilà, ce live-là est vraiment très puissant, très fort. Puis en même temps, musicalement, c'est très affûté, c'est du lourd, si je peux. On peut peut-être ajouter à toutes ces personnes que tu as citées, quelqu'un qui est quand même très très important justement pour la musicalité de ces Bercy, c'est Janik Top, qui arrange en 87, en 90 et en 92. C'est lui qui est le directeur musical, et donc c'est lui aussi qui donne cette couleur, qui invente finalement à chaque fois des choses nouvelles. Je dirais que sur 87, son rôle est plus... C'est Michel Berger, qui chapeaute. Donc, il est un petit peu dans ce, lui et Michel travaillent de la même, travaillent dans le même sens. Donc, on va dire que son rôle à lui n'est pas aussi important. Il est important. Et comme tu le dis, effectivement, et c'est lui le directeur musical, mais c'est surtout Michel Berger, en fait. À partir de 90, Michel Berger n'est plus là. Voilà. Il y a une sorte, entre guillemets, il prend son autonomie par rapport à ça. On revient à quelque chose de beaucoup plus, puissant, plus rock, et quelque part 92, où en plus non seulement il est directeur musical, mais aussi il est sur scène avec Johnny, ce qui n'est pas le cas des précédents. Tout à fait. Ça monte en puissance. Je pense que la connivence est bien installée maintenant. Ils se font confiance. Johnny sait avec qui il travaille et à qui il remet un peu le son de ses concerts. Donc il y a une vraie complicité, et je trouve que ça, oui, ça tourne vraiment très très bien, quoi. Vraiment. Ça atteint son apogée au Parc des Princes, d'ailleurs. Oui, ah oui, en 93, c'est lui. Il est présent sur scène aussi, pas pendant tout le concert, mais il alterne avec Christian Padovan. Tout à fait. Et c'est pareil, quand on sait l'importance que ça revêt pour Hallyday, ces concerts-là, ces lives-là, que c'est aussi une période, et c'est aussi quelque chose qu'on a évoqué dans le coffret, c'est-à-dire que quand Roger Abriol ou Jacques Rouvérolis arrivent chez Johnny dans les années 70, la production de spectacle est encore, on va dire, je dirais pas amateur, mais elle reste assez modeste et assez, comment dire, rudimentaire, voilà. Il est évident qu'à partir du moment où vous commencez à vous produire dans des salles comme le Zénith ou comme Bercy, là, vous bénéficiez d'un outil pour pouvoir réaliser ces lives qui n'a plus rien à voir avec, même avec le Palais des Sports, qui était déjà en soi un progrès, une avancée. Mais le Palais des Sports, comme son nom l'indique, c'est pour accueillir plutôt principalement d'abord des rencontres sportives. Là, on est dans une salle, que ce soit le Zénith ou ensuite Bercy, qui est vraiment configurée pour ça, qui est faite pour ça, qui est faite pour réaliser un show dans des conditions techniques les meilleures possibles, et pour le public et pour les gens qui sont sur scène. Donc, à partir des années 90, voilà, la production scénique prend une dimension, s'organise, se développe, se professionnalise. C'est là où on va voir apparaître pour la première fois de la vidéo sur scène. C'est là où on a un décor qui va s'installer pour Bercy 92. Et donc, y a vraiment une montée en puissance à la fois de l'équipe qui travaille avec Jean-Claude Camus, qui est devenu donc le patron de la production scénique de Johnny. Et puis Johnny, qui de toutes les façons, lui, il est, comme on le sait, voilà, toujours au taquet là-dessus. Donc, mais on va dire que il va vraiment pouvoir donner à ses projets une dimension scénique nouvelle. On a vu par le passé, bon, il avait réalisé déjà, il a cet ADN de d'homme de spectacle, c'est sûr. Il l'a démontré par le passé, comme il l'a fait en 76 au Palais des Sports, ou en 79 au Pavillon de Paris. Mais là, voilà, on passe un cap et il est entouré à ce moment-là d'une équipe qui sera d'ailleurs, c'est pas pour rien, qui lui sera fidèle quasiment jusqu'à la fin, qui réalisera à ses côtés plusieurs lives dont on sait qu'ils sont aujourd'hui mythiques et qui vont rester pour longtemps dans la mémoire de ceux qui les ont vécus, quoi. Cette fois-ci, on passe à Bercy 1990. Dans la chaleur de Bercy avec John Hallyday et vous écoutez RIG, l'émission Johnny de A à Z. Et ce soir, on vous parle des trois mousquetaires, Roger Abriol, Jacques Anvérolis et Bernard Schmitt. Avec ce livre, John Hallyday Private Access, à ses côtés en coulisses, que je vous conseille de lire ou qu'on vous offre pour Noël. je t'anticipe qu'elle s'éloigne de moi. Ne la regarde pas avec des yeux comme ça. Viens dire qu'elle n'est pas encore à toi. Dégage. Tu vois ce que je veux dire. Tu viens. Dans le pays, tu devrais aller par ailleurs, chez ici. Tu jettes un bras, tout qu'à tourner en rond. Comment tu te rappelleras de mon nom? Dégage! Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un moyen de la garder, je peux le trouver. Oh! Sans personne, dégage! Merci avec Dégage. On va retrouver d'ici quelques secondes. On va retrouver maintenant un extrait du DVD bonus du coffret Bercy. On y retrouve donc Jean-Claude Camu, Bernard Schmitt, Roger Abrieux, Jacques Vérolis et Norbert Krief qui vont nous parler de Johnny et la scène. Pour moi, c'est un extraterrestre à l'idée de... C'est pas quelqu'un normal. Dans la vie courante, il est maladroit, il peut s'accrocher n'importe où, sur scène où il y a plein de câbles, où il y a plein de moniteurs de retour et tout. Ce qui est un peu rigolo, dans mon métier, les gens m'appellent le metteur en scène de Johnny Hallyday. Or, moi je mettais en scène tout, sauf Johnny Hallyday. En gros, puisque Johnny savait parfaitement ce qu'il avait à faire, il le faisait bien mieux que ce que j'aurais pu lui conseiller. Donc, je mettais en scène tout, mais pas lui. C'était un don qu'il avait, quoi. C'est inexplicable. Dans la puissance, dans la justesse, dans l'interprétation et la sensibilité, c'était remarquable. J'ai toujours été impressionné par sa prestance, son aura, son charisme. Et voilà, il a cette force qu'il envoie aux autres sur scène. Phénomène quand même curieux que j'ai pu constater. La plupart des chanteurs, quand ils vieillissent, c'est plus tout à fait la même chose, quoi. Et lui, plus il vieillissait, et mieux il chantait. J'avais compris. Et il y a une chose qui nous a toujours frappé, c'est qu'on ne l'a jamais vu courir. Jamais. Jamais au monde. Oui. Quelquefois, il était tout au fond de la scène et on se disait, mais attends, là, dans 20 secondes, ouais, il doit être au premier micro, par quoi. Exemple. Et il marchait, et 20 secondes après, il était devant le micro et il reprenait, quoi. Je crois que la scène était sa vie. La scène, c'était son poumon. En fait, j'ai jamais vu Johnny aussi heureux que sur scène. Sur scène, oui, il vivait. Avant d'entrer en scène, c'était pas le même. Dès qu'il mettait le costume, il devenait Johnny Hallyday. Et là, vraiment, il vivait comme il avait envie de vivre. Sur scène, il vivait, il communiait avec son public qui l'adorait et qui le rendait bien, d'ailleurs. Sa générosité, elle est surtout envers les fans, parce que c'est un amour sincère qu'il a pour ses fans. Il a un rapport avec le public extrêmement fort, Johnny, parce qu'on sent cet amour. Dans le cri des gens, les appels, on les entend régulièrement. On t'aime, on t'aime, on t'aime, ça s'entend tous les soirs. fond de lui-même, c'est un vrai rock'n'roller. D'ailleurs, Mark Fisher disait, lui, c'est un Stone. C'est le seul chanteur qui a fait une telle carrière, je vais dire rock'n'roll, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, même s'il a chanté beaucoup de ballades et beaucoup de styles de musique. Mais son âme, quand même, c'est le rock'n'roll. C'est vrai que c'est un chanteur de rock'n'roll, mais qui a évolué. Il s'est inspiré d'Elvis Presley, mais après, il a surpassé ça, quoi. Par exemple, les directeurs musicaux, qui avaient comme idée unique de faire du rock'n'roll, et du rock'n'roll même un peu réduit, comme un groupe, quoi, il en voulait pas. Il voulait un truc plus vaste autour de lui, quoi. Plus ample, oui, ouais. Plus lyrique, plus spacieux. L'envie, c'est une magnifique chanson et musicalement, elle est très puissante parce que c'est une sacrée orchestration. L'envie, c'est un opéra, il chante un opéra. Il a Requiem pour un fou, c'est comme un opéra, c'est la même chose. Il a cette dimension. Requiem pour un fou, c'est la fin de Carmen. Les jeunes chanteurs d'opéra, quand ils savent que je viens de Johnny Hallyday, me disent tous... Il pouvait chanter de l'opéra. Il se donnait, quoi, à fond. Et ça lui arrivait de se mettre à genoux en pleine répétition à tel moment d'un morceau. Toutes ses chansons, il les vivait, quoi. C'est ce qui fait qu'il aimait beaucoup la scène, parce que justement, ça lui donnait ce pouvoir d'être acteur. Si Johnny a tant aimé la scène, c'est qu'il était au fond de lui autant comédien que chanteur. C'est-à-dire, c'était un tragédien. Ce qu'il aimait, c'est que dans un studio, tu vas pas prendre des pauses de douleur, tu vas pas... Et la scène, oui. Donc, c'était à égalité pour lui, son attitude et les chansons qu'il chantait. Johnny a toujours aimé le cinéma et je pense qu'il a toujours eu ce côté un petit peu acteur. En dehors du fait d'être un chanteur, un acteur, c'est un homme de spectacle. Et de toute façon, souvent, il interprétait, il disait beaucoup plus quel spectacle je vais faire plutôt que quel concert je vais faire. À partir de 86, on arrive dans le grandiose et le gigantesque. Moi, j'aimais le grandiose. J'avais compris ce qu'attendait le public de Johnny et que Johnny aimait le grandiose, aimait les choses fantastiques. Et c'est vrai qu'au fil des années, les artistes ont eu cette, à l'idée en l'occurrence, beaucoup plus que les autres, cette volonté de produire un vrai spectacle. Donc, ce qui a fait aussi que tout l'aspect technique a évolué. Et tout cet aspect technique, évidemment, a engendré énormément de matériel, de nouveautés, etc. Et donc, lui, il aimait vraiment profondément cette évolution-là. Et ça fait partie de son ADN. Johnny, c'est toujours des grands shows. On va le voir aussi pour ça. À partir des années, je dirais, 80, ça a commencé à se préparer 6 mois avant. Et dans les années 90-2000, ça prenait un an et demi. C'était très millimétré. Les structures étaient bien calées, bien cadrées, ça débordait pas. Entre la volonté d'un projet, la faisabilité d'un projet, la réalisation, les répétitions, tout ça, ça nous prenait entre 12 et 18 mois. On retrouve Johnny à Bercy 1990 et ce titre, Je te promets. Je promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé, les secrets de mon âme. Je te promets la vie, de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Et jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours troubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des

de chance par un homme s'accueillit. Oh, ça ne meurt pas un homme s'assouplit. Pour n'avoir jamais su, mon père, je te salue. Ah, ça ne meurt pas un homme, un homme sa vie. Ça ne meurt pas un homme sa s'oublie. Merci 1992 que vous avez pu redécouvrir sur scène, sur grand écran, lundi dernier le 5 décembre, pour voir Bercy 92. Viens, c'est vendredi soir, et comme tous les vendredis soirs, on fait exploser Bercy. Putain, vous savez que pendant ces deux années, vous m'avez drôlement menti. Merci d'être là ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous aime. On va écouter tout de suite un extrait d'une émission télévisée. On n'est pas couché sur France 2. C'était le 23 avril 2011. Jacques Rouvérolis racontait ses débuts à Laurent Ruquier. Comment on devient celui qui éclaire et qui met en lumière les autres? Celui qui finalement reste dans l'ombre? C'est une passion. C'est une passion qui m'a prise il y a 45 ans. Je suis parti avec un groupe de... Vous étiez barman à Fréjus Plage. Oui, c'est ça. Racontez. J'étais barman à Fréjus Plage, à la Playa. Et puis, les patrons ont engagé un groupe qui s'appelait les Beatles. Pas les Beatles. Non, les Beatles, qui sont devenus après les Jelly Roll. Je les ai suivis. Et 10 ans plus tard, ils sont devenus Il était une fois. Ah, les Jelly Roll, c'est devenu le groupe Il était une fois, oui, avec la chanteuse Joël. Donc. Exact. Et le premier grand artiste, parce que le groupe Il était une fois, c'est après, là, ils étaient inconnus à cette époque-là, que vous avez vraiment mis en lumière, c'est Michel Polnareff. Oui. Il est venu me chercher, nous jouions au Chatham, à Mégève, dans une boîte d'un monsieur connu qui s'appelait Partouche. Les casinos Partouche. Donc il est venu dans cette boîte et il m'a demandé si je pouvais faire la même chose pour lui. Je l'ai suivi, j'ai écouté sa musique, ça m'intéressait. Je connaissais pas du tout. Hein, il avait fait La Poupée, Love Me et Amcaline à l'époque. Donc je suis parti avec lui aussi. Vous commencez à éclairer les plafonds, ce qui s'était quasi jamais fait. Oui. À faire brûler des cartons, ça c'est quand même drôle, faire brûler des cartons pour faire de la fumée. Aujourd'hui, évidemment, tout ça est technique et technologique. Quand on voit les machines à fumer en bord de scène pour que les artistes arrivent dans une sorte de brume et tout ça. Mais vous brûliez vraiment des cartons. Oui, des cartons ou des sacs de ciment qu'on trouvait sur les chantiers. On les arrosait après et ça dégageait de la fumée, ce qui me permettait de matérialiser les faisceaux. Et les directeurs de salle, alors, ils voulaient me renvoyer, quoi. Ils voulaient nous mettre dehors parce que ça sentait terriblement mauvais, ouais. Oui. Paul Naref se tire aux États-Unis. Et là, vous travaillez pour Joe Dassin. Oui. Christophe. Oui. Mike Brandt. Oui. Gilbert Montagnier un peu plus tard. Oui. L'effet Gainsbourg aussi. Oui. Racontez. Gainsbourg, c'est extraordinaire. Alors, racontez-nous. J'ai une anecdote, il m'appelle, je vais rue Verneuil, il m'ouvre la porte et il me dit même pas bonjour, il me dit simplement il faut penser à mon entrée. Et c'est un entrée sur scène. Oui, mon entrée sur scène, il préparait le casino de Paris et j'étais vraiment très très très impressionné. Donc je sors mon paquet de cigarettes. On va s'asseoir, j'essaie de le mettre sur la table et je suis tellement impressionné, mon paquet de cigarettes tombe et en me baissant pour le ramasser, j'ai une idée et je me fais une réflexion à voix haute que je voulais à voix basse, mais bon, elle m'a échappé et je me dis, il ne pourra jamais. Il me regarde, il me fait, c'est pas grave, je prendrai un cascadeur. Et donc son entrée en scène, c'était l'arrivée en haut des escaliers, il loupait la première marche, il tombé, quoi, il basculait tous les escaliers en arrivant sur scène entre la batterie et l'orgue. Le vrai Gainsbourg arrivait. Ah, c'est vous, parce que moi je l'ai vu ce concert. Et il y avait un mouvement de saisissement dans la foule. Il faut rétablir la vérité. Je n'avais pas pensé à l'escalier. Moi je pensais, avec sa réputation d'homme un peu ivre, je pensais que le faire prendre des câbles en arrivant sur scène et qu'il s'étale sur scène comme ça. Lui, il avait été plus loin que moi. Vous dites qu'il y a des artistes qui prennent la lumière naturellement, oui. D'autres, on aura beau faire, inventer tout, de toute façon, ils seront inexistants sur scène, même avec les meilleures lumières qui soient. Exactement. Bon, on va pas vous demander de citer de noms. Et je ne les citerai pas non plus. Mais par exemple, parmi les positifs, ceux qui savent utiliser les lumières et être sur scène, Johnny Hallyday, c'est vraiment un taulier. Ah oui, vraiment, oui, c'est un génie de la scène, Johnny Hallyday. C'est vraiment un génie de la scène. Il sait exactement ce qu'il veut et où se placer. Il sait où se placer. Ce qu'il veut, après, s'il m'appelle, c'est pour que je fasse ce travail, justement. Mais lui, il sait où se placer. Un beau moment encore sur la scène de Bercy, en 1992, sur ce titre, Tiananmen. Celui de Pékin, acquise la faute si on n'en dit plus rien. C'était pourtant hier, qu'en ferons-nous demain? Qu'en ferons-nous demain? En pensant de subir les coups, il y a des cris que l'on n'entend plus. Des voix qui n'ont plus d'autre issue que de mourir sans maudire. À force de haïr les fous, et des hommes qui lèvent leur chaîne. Mourir peut-être, mais debout. Oh, tiens, merde. Tiens, merde, merde, merde, merde. Tiens, merde. Tiens, merde, merde, merde. Tiens, merde. Une génération mutilée, muselée. Sa révolution qu'on n'a pas écoutée. C'était pourtant hier, c'est déjà oublié. Oh, non. Mais ce n'est rien. Si le corps est vaincu, brûle toujours la flamme. Que rien n'éteindra plus à l'écueil de son âme. C'est encore aujourd'hui et ce sera demain. Oh, oh, oh. Oui, ce sera demain. À force de subir les coups, il y a des cris que l'on n'entend plus. Des voix qui n'ont plus d'autre issue que de maudire sans maudire. Y'a des hommes qui lèvent leur chaîne. Ou rien peut-être, mais debout. Ah, tiens le merde. Tiens le merde, merde, merde, merde. Tiens le merde. Tiens le merde, merde, merde. Dans l'émission Johnny de Z, on vous parle des trois mousquetaires, Roger Abriol, Jacques Rouvérolis et Bernard Schmitt, et du livre, de leur livre, Johnny Hallyday Private Access, à ses côtés en coulisses. Il nous parle donc de tous les concerts, de toutes les coulisses des concerts de 1974, comme il considérait les concerts préhistoriques, jusqu'au dernier concert des Vieilles Canailles, où il n'y restait plus que Roger Abriol, et Bernard Schmitt s'occupait uniquement que de la captation vidéo de ce concert. Il nous délivre toutes les coulisses, et vraiment c'est un livre qui est très très très intéressant, rempli d'anecdotes tendres, mais de tensions également, de fou rire également, que je vous découvre donc à découvrir très très très vite. On poursuit tout de suite avec à nouveau un extrait donc du DVD bonus qui est dans le coffret Bercy, qui vient de sortir donc le 2 décembre et que vous pouvez retrouver également sur toutes les plateformes en streaming. On va les retrouver au sujet de la construction des spectacles de Bercy. j'avais mon équipe rapprochée, Roger Abriol, Schmitt, Jacques Rouvérolis. Bref, on était 5-6 comme ça, à se réunir, à avoir des idées, à exploiter de temps en temps une idée que pouvait nous avoir donné Johnny. Moi, j'interviens effectivement pratiquement dès le départ, parce que avec Roger, on avait un fonctionnement extrêmement d'osmose. Moi, quand j'avais une idée, j'en parlais à Roger. Roger me donnait des éléments aussi que je n'avais pas forcément sur les lieux où on allait jouer, sur le nombre de dates, parce que tout ça, ça influe beaucoup quand même. Donc, ça passait par des discussions un peu à bâton rompu, jusqu'à ce que tout à coup une idée se solidifie, un peu en se disant c'est là qu'on va aller. Dans notre tête, c'était pas « faut faire plus fort, faut faire plus fort ». Ma tête, moi, c'était « faut faire nouveau, faut faire nouveau ». J'ai adoré faire ça. J'ai adoré parce que, comme on le disait, déjà de travailler en binôme avec quelqu'un qui crée le côté artistique du spectacle, ou avec Bernard, par exemple, on travaillait vraiment en binôme, c'est de voir évoluer, on s'échangeait des idées, de participer justement à cette création... Ça, c'est stimulant. Si l'idée est vraiment importante, il faut se donner les moyens et puis essayer de la réaliser. Je savais qu'à un certain moment, il fallait mettre le frein parce que c'est pas open bar, mais c'est pas ce qui freinait. En réalité, c'était jamais une bonne idée, reste une bonne idée et on l'exploite. On décidait, on dépensait et on comptait après. On regarde la chronologie. Il faut remarquer aussi, il venait à la première réunion de prod. C'est-à-dire que le projet n'existait pas. Mais il y avait ou un projet discographique, ou un projet aussi musical de sa part. Quel sera mon directeur de musical? C'était un peu la première question. En fonction de ça, on savait déjà, musicalement, il était rassuré. C'est pas le directeur musical qui fait la setlist. C'est moi. Il y a une liste de 7 ou 8 chansons. Je peux les écrire tout de suite puisqu'elles sont obligatoires. Donc ça c'est... Mais autrement, bon, j'écoute, je me note des trucs et tout ça. Et puis, ensuite, j'oublie. Et j'écoute d'autres choses. D'autres chanteurs, de la musique classique. Et c'est là où je trouve des idées. Curieusement. En me disant, putain, ça, ce serait beau dans... Ah, mais ce serait beau aussi pour Johnny. Voilà, ça fonctionne souvent comme ça, par un détour. Ça part du cinéma. C'est-à-dire que ce qui parlait à Johnny, c'est si on lui racontait un film. Et donc, le film, il se raconte par ce qu'il y a autour, le décor, évidemment par la lumière, mais à ce moment-là, il la connaît pas encore, la lumière, et puis par la setlist qui est un peu son scénario. L'étape suivante, c'est évidemment le choix du décorateur. C'est-à-dire que nouveau partenaire, nouvel interlocuteur... à qui je raconte justement ce début d'idée. Et lui, bah, il crobarde, il met en forme, quoi. Et ça, c'est une étape fondamentale. Après ça, quand on était un peu plus avancé, on commençait à le faire venir pour voir la maquette du décor. Lorsqu'on sentait que c'était vraiment le moment, on faisait une maquette, on lui avait proposé plusieurs dessins, on avait vu qu'il accrochait, et la maquette, pour lui, c'était extrêmement important parce qu'il se représentait sur scène, il visualisait. Et évidemment, la question qui allait fuser à tous les coups, c'était « mais comment je rentre ?» Une fois qu'on est d'accord, que Johnny a vu la maquette, qu'il a donné son accord, alors là, il faut trouver tout le monde. Alors arrive le casting des musiciens. Qui se fait avec le directeur musical. Je les filmais. Ce qui fait que quand je revenais, j'allais chez Johnny et je lui montrais. C'est incroyable la vitesse à laquelle il assimilait les possibilités, enfin les capacités. Quand il écoutait, c'était incroyable. À les répétitions. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, les musiciens répètent... Seuls une semaine. Et les 4 semaines qui restaient, c'était avec Johnny. Évidemment, j'étais là tous les jours, parce que ça me permettait de changer la setlist, par exemple. C'est-à-dire qu'en entendant les trucs, on se dit, ces deux chansons à la suite, c'est pas bien. Et ça, c'est une étape, bien sûr, très importante. Puis t'apprends à connaître les musiciens. fois que le décor, que le projet est construit, là vraiment, oui, j'intervenais pour éclairer ce décor et en accord bien sûr avec Bernard et sa mise en scène. Alors moi, je travaille de la façon suivante. Déjà en amont avec Bernard. Il m'explique la setlist. Je les laisse d'abord répéter. Je m'inspire des répétitions. Je prends des points de repère. Je me dis, tiens, dans cette chanson, il est là. Bernard va le placer là ou il finit ici. Je prends des notes et tout. Une fois que je me suis bien inspiré pendant les répétitions, le soir, quand tout le monde est parti, je commence à travailler l'éclairage. Je travaille la nuit seul, tranquille, avec mes assistants et les techniciens qui sont autour. Et là, on crée les lumières du show, chanson par chanson. S'il y a 26 chansons, il y a 26 petites histoires ou 26 films. Ce que raconte la chanson, faut la raconter en lumière. Une fois qu'on lui avait fait partager notre rêve, alors fallait pas le décevoir. Si on lui avait dit, ça se passera comme ça, et que ça lui plaisait, fallait qu'on fasse que ça se passe comme ça. Devant lui, fallait être fort. Fallait pas avoir un signe de faiblesse. Si c'était pas possible, fallait lui dire vraiment l'affirmer. Pour nous trois, je crois que c'était très important, avec les responsabilités que l'on avait à des postes différents. Si on n'avait pas été vraiment très en osmose tous les trois, je pense pas que ça aurait pu se matcher comme ça, non. Il fédérait énormément. Les équipes, c'était tous pour un pour tous. Hein. C'est-à-dire que n'importe quel technicien, par exemple, on montait une tournée, il suffisait de les appeler, je dis, tiens, il y a une tournée qui part le 15 octobre, t'es libre. Je pouvais les appeler 2 mois avant, 3 mois avant, ils étaient libres. Une tournée de Johnny, c'était un clan qui se déplaçait. C'est vrai que c'était le chef de file, le chef de meute, c'était très clanique. Et c'est maintenant que je réalise vraiment les folies qu'on a faites avec Johnny. Quelle chance j'ai eue. Voilà. Of all the teens, now she's the woman that I know. She's a woman that loves me so. I flew, she's my baby. I flew, don't be baby. I flew, she is my baby. Yeah. Gardez votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Cette fois-ci, on passe à Bercy 1995 et le premier titre, titre d'ouverture de ce Bercy, Gabriel. Vous écoutez Johnny de A à Z sur RIG et ce soir, on parle des Trois Mousquetaires et de leur livre Private Access. Encore à présent, les Mousquetaires, c'était à Nancy le 25 mai 2012. C'était une interview du républicain Lorrain. Et à la question, ils vont répondre à la question suivante. En quoi vous surprend encore Johnny Hallyday? Oh ben, à chaque fois qu'il pousse sa voix dans un micro, ça, quand même, ça me fait toujours un effet bizarre en me disant, tiens, c'est curieux. Et puis, non, quand il a envie, bah, il est surprenant, quoi. Et là, à Montpellier, je l'ai vu se rouler par terre. Bon, bah, on dira, bah, très bien, tout va bien. Donc, oui, c'est ça la surprise, quoi. C'est l'énergie. Il s'est pas répété, par exemple. C'est-à-dire que il vient une répé en disant, là, je vais m'économiser. Et au bout du milieu de la première chanson, il chante. Voilà. Donc, ça c'est, cette énergie-là, oui, me scotche, quoi. Si vous voulez, Johnny, pour moi, c'est un génie de scène, hein. Mais ça, c'est personnel. C'est depuis 47 ans, ce mec me bluffe et continue à me bluffer, quoi, par sa science de la scène, par sa vision du show, par... C'est vraiment un grand, on peut dire, fait partie des 10 meilleurs showman dans le monde, quoi, hein, vraiment. Et c'est toujours différent, forcément, quoi. C'est toujours différent. Et surtout, il a une telle capacité à capter la lumière qui est très, très, très intéressante. Michel Mallory, un jour, m'a dit, écoute, plus je le connais, moins je le connais. Ben, je crois que c'est la meilleure définition que j'ai pour Johnny Hallyday. C'est vrai, en plus. Johnny, quand il chante, il interprète, il joue. Il joue les chansons. Il chante pas seulement comme ça. Il interprète les chansons. Il est dans ce qu'il raconte, quoi. Johnny, quand on prépare les spectacles, semble assez souvent peu investi. D'abord, il semble seulement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond, c'est un moment où il est plus acteur que chanteur. C'est ce qu'il veut au fond, c'est qu'on lui raconte un scénario avec un décor. Et à ce moment-là, il se dit, oui, là, je peux jouer dedans. Et une fois qu'il sait ça, une fois qu'il voit le rôle qu'il peut tenir... Il y va à fond, voilà. Bercy 95, extrait du coffret Bercy, donc version alternative. Johnny Hallyday, sur le RIG de l'émission Johnny 2 AZ. J'ai attendu le monde, mais le monde est grand. Oui, un millier de secondes, moi j'ai subi le temps. Comme une pierre usée qui roule. Oh. Moi j'ai attendu l'été, l'été m'oublie. Mes mots se sont glacés et je vois la pluie comme un flot de larmes qui coule. Chercher les anges plus loin. Sur ce spectacle, à partir du moment où il y a le décor qu'il y a, où on savait qu'il y aurait une énorme présence de la vidéo et où il y avait cette entrée, ok, il se dit moi je suis dans un jeu vidéo là, donc je suis un super héros de jeu vidéo, très bien, je sais jouer ça. Tous les artistes sont assez parmi ceux avec lesquels j'ai travaillé et je travaille encore, sont très très proches de leur représentation et de ce que je pense que lui a une autre c'est quoi, on vient le voir pour ses chansons, on vient le voir aussi pour ce qu'il représente, on vient le voir pour son authenticité, pour une partie aussi de en lui. Les gens s'identifient peut-être aussi au personnage par la Rock'n'Roll attitude ou par il y a cette identification que d'autres chanteurs ne génèrent pas autour de... Mais lui génère ça. Alors, en quelques chiffres, justement, vous disiez tout à l'heure, vous avez commencé avec quelques projecteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire de spectacle que les Nancéens verront samedi soir? On a, pendant 15 jours, on s'est efforcé de le monter, de le régler, de le peaufiner, avec lui, avec les chansons, tout ça. Ça fait partie, moi, des... On en parlait avec mes camarades tout à l'heure. On était le dernier concert que nous avons fait à Montpellier. On était assez satisfaits d'une chose qui commençait à s'aboutir et c'est bien. Et surtout, tout ce que je vous parle de technologique, tout ça n'existerait mais ne servirait à rien du tout. Mais à rien du tout si ce contenu n'était pas lui, quoi. C'est lui qui fait ça, hein. C'est lui qui, parce que croyez-moi, avec ce qu'il a au-dessus de la tête, il faut que le mec il soit quand même sacré balèze pour exister, quoi. C'est-à-dire, c'est 40 chemises, c'est beaucoup de techniques et des techniques très pointues, mais chaque fois c'est compliqué. Et avec Hallyday, on a toujours c'est un peu notre devoir, je dirais. Étant donné la taille de ces spectacles et le type de ces spectacles, on est un peu là pour innover. Un peu. C'est-à-dire que quand il y a des nouvelles techniques, du nouveau matériel, tout ça, au fond, c'est un peu nous qui l'inaugurons chaque fois. Alors c'est très agréable, c'est très chiant aussi, parce que un matériel qui vient de sortir n'a pas la fiabilité forcément d'un matériel rodé. Donc, mais c'est un peu notre rôle aussi. Si nous on le fait pas, c'est pas des petits spectacles sans moyens qui pourront le faire. Donc voilà, c'est. Quel est votre moment à vous, le moment qui vous fait frissonner, qui vous touche le plus? Bah, il y a deux moments, par exemple, j'aime beaucoup l'entrée, moi, cette année. Et évidemment, la fin de la dernière chanson, j'adore ça parce que c'est terminé. Et que j'aurai plus d'emmerde de la journée, que tout a marché. Et ça, c'est un moment merveilleux. Non, sinon, il y a plein d'autres moments que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que quand c'est terminé, il y a un truc où on se dit, bon, allez, celui-là, il est fait. Le show. Il y a des moments très beaux qui sont le duo. Vous verrez, il fait un duo exceptionnel avec Amy Quiz, une de ses choristes. Ce mec est atteint une maturité assez exceptionnelle, quoi. Et donc, le show passe très, très vite. Le show passe très, très vite et j'aime bien tout. On est toujours, même si on est professionnel, on est toujours plus, plus attiré par certains titres que par d'autres. C'est vrai que et les titres par lesquels on est attiré sont pas forcément les plus en vue ou les plus connus. Moi, j'aime bien ressortir des anciennes chansons, écouter les anciennes chansons, réactualiser, par exemple comme Excuse-moi Partner. Moi, je trouve ça assez intéressant. Ouais, ça m'éclate bien, ça, c'est bien. Et c'est bien lui en plus. Dans l'interprétation, dans l'intensité, je pense que c'est une c'est un Johnny que j'apprécie énormément. On entendait à l'instant donc Jacques Anvérolis, Bernard Schmitt et Roger Abriol. Et on les écoute pourquoi ? Parce que avec le travail remarquable qu'ils ont fait tout au long de ces années auprès de Johnny Hallyday, il méritait bien un hommage et qu'on leur tire notre chapeau. Et cet extrait, tout ça, on peut les retrouver, toutes ces interventions, toutes ces anecdotes des coulisses avec Johnny Hallyday dans leur livre Private Access. Johnny Hallyday toujours à Bercy en 1995 et le titre Ne m'oublie pas. Étrange, il me regarde en silence. Ça ne dure que quelques secondes, et tu t'en vas dans ton monde. C'est un moment en distance, puis ton regard en dissidence, et je vois passer une ombre. Quand tu me fuis, quand tu sombres, impuissance. On dirait que je n'ai aucune chance. On dirait que tu me sondes pour m'entraîner quand tu tombes. C'est un moment si intense, rien n'a plus la moindre importance. Et tu retournes en pénombre pour me laisser dans ce monde. Oh ouais. Du pays de tes rêves, je serai là. Quand tu plonges, quand tes Ne m'oublie pas. On ferme les portes de ce Bercy 1995 pour ouvrir celle de Bercy 8 ans plus tard, Bercy 2003. On va retrouver Johnny Hallyday, certes, à l'after show, juste après le dernier concert. Il va faire ses remerciements à tout le staff. Et après, on aura droit aussi à quelques répétitions du titre « Le cœur en deux ». Les amis, c'est la mort dans l'âme. Avant de dire merci à celui grâce à qui nous sommes tous là, je voudrais, avec Annette, vous dire du fond du cœur, vraiment, et c'est même pas avec tristesse, parce que ça a tellement été formidable tout ce que vous avez fait, c'est même pas avec tristesse qu'on se quitte, parce qu'on sait qu'il y aura sans doute un demain. Je vous embrasse tous et je vais donner la parole à Johnny qui, à cause de lui et grâce à lui, nous sommes tous là. C'est toujours difficile de parler après Camus parce qu'il dit tout ce que je voudrais dire. Ça, tu répètes alors. Alors, non, tout ce que je voudrais dire, c'est que j'ai autour de moi une équipe fidèle, c'est vrai, vous tous d'ailleurs, techniciens, musiciens, la production, monsieur et mademoiselle Camus, la sécurité, bien sûr, et puis c'est vrai que le spectacle... C'est un beau spectacle, enfin je crois que c'est un beau spectacle, la preuve en est tous les soirs, c'est que les gens ont l'air d'aimer ce spectacle. Mais ce spectacle n'aurait pas été possible sans vous en tout cas. Moi tout seul sur une scène avec une guitare, ça le ferait pas. D'abord je ne joue pas assez bien de la guitare, je ne joue pas aussi bien que Robin ou Réjean, donc ça le ferait pas. Mais c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut avancer dans notre métier. Et qu'on peut faire des beaux spectacles, des spectacles qui font pendant deux heures et demie, oublier aux gens les tracas quotidiens. Je voulais vous dire ça. Et puis, profitez-en, puisque Camille de bonne humeur, vous pouvez demander une augmentation. Merci à vous tous, merci. Ouais, j'ai l'impression que ça hein? Fait un peu court. Ça. Combien on en faisait là? Mais on a enlevé le medley comme je savais. Le medley rock'n'roll qui était long. On a enlevé le medley rock'n'roll. Ouais. Parce que t'en avais marre. Donc ça, on gagne 10-12 minutes. On a enlevé le pénitencier aussi. Ouais. On s'était dit qu'on pouvait remplacer le pénitencier par le cœur en deux. On enlève le pénitencier? Ouais, enfin à moins que tu veuilles le chanter. Comme, hein, tu veux, ouais. Mais comme pour avoir un équilibre rythmique, tu vois, entre... c'était ou le cœur en deux ou le pénitencier, quoi, on s'était dit ça. Le pénitencier que je te promets, par exemple. Ah bah ça, c'est comme d'accord. Vous voulez, mon ami. Ah, ça, c'est toi qui choisis, hein. J'ai retiré le fait que j'ai vu. La même note, tiens pas. Les filles que j'ai bien voulu. Les bouteilles que j'ai bu. Les filles. Non, la même note, on repart sur la même côté. Les filles que j'ai bien voulu. Ah, d'accord. Les bouteilles que j'ai bu. Que j'ai bien voulu. connu les matins tristes au goût de cendre. Ce sera mon dernier orage. Comme un mal qui ronge mon cœur, ta main est toujours sur ma peau. Je confonds bonheur et douleur, entremêlés dans un sanglot. S'enfuir tes cheveux, mais ayant perdu la lumière. Mon corps est comme un cimetière où brûle ma propre croix de feu. Merci beaucoup. Ouais. Cette chanson, une chanson que j'ai enregistrée il y a très longtemps, est une chanson que je n'avais jamais interprétée sur scène. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion pour moi de la chanter pendant cette tournée d'hiver. Pour vous. C'est mon petit cadeau de fin d'année. Et Johnny a eu raison hein, sur ce coup-là, il a eu le dernier mot. Je te promets a été enlevé et remplacé par le pénitencier et le cœur en deux a pris sa place dans ce concert, la tournée plus près de vous. Alors, nous allons retourner donc auprès de Bercy 2003 et nous allons assister à la composition de la setlist proposée par Bernard Schmitt et Johnny revisite cette liste. On voulait revoir avec une bonne fois le... Parce qu'on a travaillé avec Yvan pour l'ordre un peu des chansons. Ouais, bah. Non mais au cas où dans les titres il y en a maintenant qui te fassent chier ou pas, comme tu veux. Sinon tu l'emmènes et puis on... Je crois que Marie est trop tard. Moi je verrai l'instinct à la place de... Marie et Marie à la place de l'Insta. D'accord. Oui. C'est un peu faiblard à la fin, je trouve. Il manque, je crois, un truc qui démarre lentement et qui finit très grand déjà. Et toi, tu préférais qu'on reprenne Aimer vivre, plutôt? Ouais, je trouve que c'était bien Aimer vivre. C'était bien, mais on l'a fait la dernière fois. On peut le refaire différemment. Oui, alors on peut le refaire, mais normal. C'est-à-dire qu'on peut le refaire, mais soyons clairs, on ne peut pas le refaire un quart d'heure avec le dédoublé, etc. Eh bien, il faut trouver ça sur le chanson. J'avais fait ça, moi, une fois sur une chanson. Il y en a une qui a Je ne sais pas si vous vous rappelez de Tommy Brown et Miley, qui s'appelle da da da da da da da da. Essayez, faut essayer de nous aimer. Essayez, faut essayer, essayez, faut essayer. On fait le même système. C'était pas mal. Parce qu'en plus, bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, les trucs sur la guerre, les trucs. Oui, bien sûr. Oui, le texte, c'est pas dévoqué, c'est la drogue. Mais moi, je l'avais pas fait comme ça sur mon disque français, doublé et dédoublé après. Je l'avais fait comme ça sur la version italienne que j'avais fait. Très intéressant. Et il faut demander à Billet de lui trouver la version italienne d'essayer que j'avais fait. Je dois aller voir dans tous. Je l'avais fait comme ça, c'était à l'époque de Nanette Portman. De tous les groupes, il y avait Nanette Morcoigne, il y avait Doris Troy, Patrick Bell. Et on était tous à Rome pour écrire cette chanson en italien. Et je l'avais, pour changer un peu, je l'avais justement dédoublé et doublé encore à la fin. D'accord. On va écouter. Tu n'as pas entendu la version italienne? Alors on oublie la version italienne, hein? Non, c'est l'idée, quoi. C'est l'idée. Mais l'idée, parce qu'elle était pas mal, la rythmique, là. On avait refait la rythmique avec l'époque, Tommy Brown et tout ça. Évidemment, ça reste un peu, mais ça peut être trop modernisé, tout ça. Avec les cuivres et tout, il n'y avait pas de cuivre. Avec, tu sais, les cuivres de cuivre, bien bluesy, c'est le bam, bam, bam, essayez, bam, bam, bam, essayez. Bon, voilà, bon, c'est l'idée. Hein. D'accord, non, mais essayez. Et l'idée était bonne, très bonne l'idée. La voici, cette version, essayez, dédoublée. Les Vance Renowns sont là également. On écoute June Hayday, Bercy 2003. Parents vous quitteront, ils vous diront, faut essayer de vous aimer. À votre tour, oui, de réussir tout ce que nous avons gâché. Avons raté. Essayez. Tous les grands mots, amour et paix et liberté. Essayez. See you. lâcher. Encore une fois, tendez les bras. Encore une fois, il faut essayer et de vous aimer. Vous aimez, vous aimez, vous aimez, vous aimez. vous aimer. Comment j'ai pu rester si longtemps sans chanter à Bercy? C'est un mystère pour moi. C'est vrai que Bercy, ça a quelque chose d'exceptionnel. Parce que c'est plus grand que les autres endroits, c'est moins grand que les stades, c'est grand mais à échelle humaine. C'est-à-dire que je vous vois bien et je pense que vous me voyez mieux. Si je pouvais, je chanterais toute l'année ici avec vous. Ce que je voulais encore vous redire, et ça ne l'oubliez jamais, c'est que j'ai fait une tournée d'été et d'hiver extraordinaire grâce à des gens comme vous. Vous savez, pour un artiste, c'est important de monter sur une scène et de savoir, de se sentir aimé. C'est la plus belle récompense qu'on peut avoir dans le métier. Vous êtes un public formidable. Merci beaucoup. J'aimerais rendre un petit hommage ce soir à quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'envie dans le rock'n'roll, Monsieur Jerry Lee Lewis. Un petit clin d'œil. Shaking going on. I found another baby, whole lot of shaking going on. Come on over, whole lot of shaking going on. I said, if I found another baby, we've got a chicken in the barn. If I found another baby, we've got a chicken in the barn. We're shaking, whole lot of shaking going on. Shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I'm gonna shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, come on over, baby. Come on, let's rock and roll. Chicken in a barn, who's barn, what barn, my barn? Come on over, baby, we've got a chicken in a barn. We ain't faking, a whole lot of shaking, oh, now. I said, shake, baby, shake. Come on, shake, baby, shake. Shake, baby, shake. I said, come on over, baby, let's rock and roll. Getting Going On, Johnny Hallyday qui mettait le feu à son piano comme faisait Jerry Lewis. Ainsi s'achève cette émission Johnny de la Z spéciale Les Trois Mousquetaires et Bercy. Les Trois Mousquetaires qui étaient Roger Abriol, Jacques Rouvérolis, Bernard Schmitt. Et ce soir, je vais vous présenter leur livre sur les coulisses des concerts de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday Private Access à ses côtés en coulisses. Un livre que je vous conseille de lire toutes et tous. Et oui, commandez-le au Père Noël, vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et participé à cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.